foncé, pressé de voir mes thunes s'envoler. Pas d'heure, pas de gêne, on va tout claquer. Mon équipe est préparée. T'inquiète, on va allumer les boîtes, les chiches, à tout cramer. Après cette guerre, on sera validé. Tranquille la life, make mess, Dubaï, Marrakech. Prends ton billet en balle, rejoins-nous que si t'es fraîche. Je sais que tu m'as kiffé, t'aimerais t'en m'épouser. En fait, bébé, je pourrais pas me poser. Tu risques d'entendre papa ou père. Prends la route, loin des emmerdes. Tranquille la life, j'ai pas dansé, mais je t'offre un verre. Tranquille la life, tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life, elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la life, tranquille la life. J'ai quitté mon taf de merde, j'ai plus rien à perdre. Cet été j'ai des sous à faire. J'fonce dans le noir mais j'y vois très clair. Posé dans le VIP je gère. Lève tes mains en l'air. Comme en show j'enlève mes affaires. La gonzo finira par terre. Tranquille la life, Dakar, Phuket, Hammamet. Je croise la fille que j'aime, elle veut fumer, je l'emmène au set. Hello, c'est le Marocco. Oh la chica, viens faire un tour dans mon vaisseau. Dans la route, loin des emmerdes. Tranquille la life, j'ai pas dansé, mais j't'offre un verre. Tranquille la life, tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life, elle s'est mariée, j'peux plus lui plaire. Tranquille la life. Ouais, j'oublie la hesse. Quand on sort, toi tu n'es hesse. DJ Hmida dans la caisse. J'ai passé la nuit sur toi, mais je m'en souviens pas. Sandra, Sarah, Samantha. Oublie-moi, je t'ai vu que sur Insta. Tranquille la life, Saint-Tropez, Cannes, dans je fesse. Champagne, Hellel, t'es pas rap, ta cache, tes fesses. Hello, c'est le Marocco. Oh la chica, viens faire un tour dans mon vaisseau. Dans la loin des emmerdes, tranquille la life. J'ai pas dansé, mais j't'offre un verre. Tranquille la life, tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life, elle s'est mariée, j'peux plus lui plaire. Tranquille la life, prends la route, loin des emmerdes. Tranquille la life, j'ai pas dansé, mais j't'offre un verre. Tu dois des sous, mais tu m'es cher.